Puis les castors de Dolbeau avec, comme à tous les jeudis, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec notre ami Daniel Tremblay. Ça va bien encore une fois pour les castors. Salut Daniel! Salut Daniel! Ça va bien Daniel. En fin de semaine dernière, ça continue à bien aller pour ton équipe. Donc, si on revenait sur la fin de semaine dernière. Écoute, samedi soir à 19h30 à l'Arena du Gâteau à Chicoutimi Nord, victoire de 5-3 des Castors. Excuse-moi, pas 5-3, 4-3 en tir de barrage. Okay. On perdait 2-0 après la première période. On a ajusté les pendules entre la 2 et la 3. On a mis les choses au clair. Ça l'a fini, la deuxième période a fini 3-1 pour eux. Okay. Puis en troisième période, les joueurs se sont vraiment mis en marche. On a eu une bonne discussion après la deuxième période dans la chambre. Parce qu'au Saguenay, ils font la glace juste une fois. Okay. Ils font la glace juste après la deuxième. Fait qu'on a pu se parler clairement après la deuxième période. Puis la troisième période a été dominée, je te dirais, à 200% par les joueurs des Castors. Ouais. En fusillade, on a également dominé énormément, mais le gardien, l'autre côté, a fait la différence. D'ailleurs, les deux gardiens ont été excellents dans ce match-là. Nous, Philippe Godreau a fait des arrêts incroyables. Écoute, ça n'a pas été un match qui va passer à l'histoire, mais les joueurs ont quand même démontré beaucoup de caractère en revenant de l'arrière par deux points. Puis en fusillade, ben Philippe Godreau n'a rien laissé passer. Puis nous, Raphaël Gauthier, au premier tir de pénalité, a réussi à placer la rondelle derrière okay. la gardée. Et l'autre match maintenant, c'était au Saguenay encore, victoire de 5-3 ce coup-là. Exactement, victoire de 5-3, de 6-4. 6-4, ouais, oui, 6-4 sur les Marquis de Jonquière. Écoute, on menait 4-1 après deux périodes. Ouais. On avait bien avancé ce soir parce que c'était 4-1, une avance de 3 buts, c'est la pire avance que tu peux avoir. On les a bien avisés. Bon, on a pogné quelques mauvaises pénalités. C'était un match quand même assez intense. Et à un moment donné, ils ont remonté, c'est venu 4-3, puis bon, j'ai demandé mon temps d'arrêt, on a discuté avec les joueurs, on a donné des consignes claires de système de jeu et de stratégie pour terminer la rencontre, puis on a fait 5-3 d'un filet désert. Okay. 6-4 d'un filet désert. En fin de semaine, maintenant, vous allez affronter le Marcos Pop de Saint-Félicien, c'est vos grands rivaux, puis c'est le fun cette année, étant donné que les Castors sont revenus vraiment une des bonnes équipes. À l'époque que je parlais avec David, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis plus capable de le rejoindre. David disait qu'il adorait ces matchs-là. Donc, j'imagine que ça m'a fait pour Daniel. Écoute, moi, j'ai vraiment hâte également à demain soir. Oui, on a fait un René Marcos qui est présentement la meilleure équipe du circuit dans la Ligue. Écoute, ça devrait être un match extrêmement intéressant, extrêmement intense. On a pratiqué en ce sens mardi soir. On pratique ce soir, là, tout à l'heure, tout va être mis en branle pour qu'on soit assurément très prêt et très concentré demain soir. Mais l'autre match, c'est les Saguenay de Chicoutimi aussi. Exactement, dimanche soir à 16h20. À l'Arena du Plateau, dernière visite au Saguenay pour rencontrer les Puis il y a un brunch aussi, je pensais, pour un brunch de financement qui a lieu dimanche matin à Jean Dolbeau, normalement. Ouais. C'est toujours à Jean Dolbeau, normalement. Ça doit être ça encore cette année? Oui, c'est ça. C'est à Jean Dolbeau. C'est le brunch de financement des Castors. Ouais. On attend beaucoup de monde. Ça commence à 8h, je crois. Ça finit vers 11h30, midi. Mm. On va y avoir la présentation des joueurs, il va y avoir la présentation du conseil d'administration, je crois. Ouais. C'est toujours de quoi de bien couru. Là, on a beaucoup de gens là, qui viennent bruncher en famille normalement. C'est à 10h à Jean Dolbeau, c'est ça? C'est c'est 9h. Okay. 8h30 ou 9h, ça débute okay. là, à Jean Delbault. OK, OK. Donc, les cartes sont en vente auprès du conseil d'administration. Ben, conseil d'administration, joueurs et entraîneurs. Ben, Daniel, on se reparle jeudi prochain. Voilà, c'est la chronique des castors avec Daniel Tremblay.